Amics i amigues, en rebeu la benvinguda a una nova edició d'aquest al vostre espai. Estem a Olala Musical, el programa de música en francès que us porta, com cada setmana, un servidor. Soc Rafael Corbi. Què escoltarem amb el programa del dia d'avui? Doncs primer un clàssic que ens cantava en molts idiomes. Avui triarem un dels seus àlbums que va cantar en francès. És en Demis Roussos, l'Artemios Ventouris Roussos, nascut al 1946 a Egipte, conegut amb el nom artístic de Demis Roussos. De fet, era fill d'una família grega expatriada, que els seus pares van néixer també a Egipte, van créixer a Alexandria, després van tornar a Grècia, i aquest personatge es va integrar en la música internacional cantant en francès, en anglès, en castellà i en altres idiomes. El programa 159 de Hola la Música, escoltarem les seves cançons, començant amb una que ens parla de música, precisament. Després també Marc Leblanc serà un altre dels protagonistes del programa del dia d'avui. Benvinguts, benvingudes. On m'avait dit, c'est difficile de s'en aller au gré du vent, que les chansons de ville en ville laissent le cœur indifférent. Moi j'ai voulu croire au mirage et sans trop penser à demain. Je suis allé jusqu'au bout du voyage pour faire de ma vie un refrain. Passer son destin, mais moi je veux croire à la chance de t'avoir trouvé ce jour-là et t'avoir tout près de moi quand je chante, et même si un jour tu fragile dans un refuge.

S'habillera de noir avant les neiges blanches. Je rangerai au fond de ma mémoire nos photos de vacances. Mais l'automne me parle encore de toi et je fais semblant que c'est l'été. Je fais semblant encore heureux. Ce soir, je vais venir te chercher. Ce soir, je veux t'emmener danser. L'éternité s'allumera, la Voie lactée s'allumera, incendiera. Així, escoltem a Demis Roussos. Aquestes són quatre cançons que hem triat d'aquest disc que va publicar el 1977. És l'únic de la dècada dels 70 en francès. En va fer algun als 80 també en francès i anglès, crec recordar, però després va tornar-hi als anys 90 a editar un parell d'àlbums també en francès. Demis Roussos ens acompanyava amb la seva música i algun dels seus grans èxits, com aquesta que recordeu ara mateix. Aquí la coneixíem com Morir Después de Mi Amor o Al Lado de Mi Amor, no me'n recordo com es deia la versió que va fer en castellà d'un dels seus grans èxits. Nosaltres avui l'hem recordat amb aquesta etapa en la qual encara estava fortament vinculat amb Vangelis, l'artista que compartia amb ella Afrodit Chill, un dels seus primers grups, no el primer, però un dels seus, el primer que va assolir l'èxit també com a vocalista i també com a baixista després. Demis Roussos, que va morir, recordem, el passat 2015. L'escoltem, doncs, amb aquest gran èxit seu, amb la versió que en va fer en francès aquest 1977, i després Marc Lavoine. S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là, car c'est toi. Esteu escoltant Ulala Music. Cantant i actor francès, nascut el 6 d'agost del 1962 a la regió de París. És un bon personatge que avui recordem a través del seu tercer treball en discogràfic, Els amors del diumenge, Les amours du dimanche, un àlbum publicat el 1989 amb diversos senzills que es varen publicar, començant per aquest C'est la vie, que va ser un número 14 en les llistes franceses, dos següents, Chagami i Ami, que no varen entrar a les llistes, són els dos propers que escoltarem, i dues cançons que van ser prou èxit també a les llistes nacionals franceses i de parla francesa, amb altres països de parla francesa com Bèlgica, Suïssa o el Canadà, el Quebec concret. Senzills realitzats tots ells entre el maig del 1989 i el març del 1991. Matt LeBlanc, doncs, ens porta les seves cançons aquí a Hola la Música. We'll be right back. Ami, viens boire un verre, viens voir l'hiver. Même si t'es mal, même si le comptoir est sale. Ami, te laisse pas partir, laisse-toi sourire. Même si tu pleures, même si le temps est l'air. Ami, viens dans la rue, viens voir la vue. Même si c'est con, même si le couloir est long. C'est pas une fille qui pourra nous changer. T'es pas une bille, même si elle t'a roulé. C'est une jonquille qui t'a laissé faner. C'est pas une fille qui pourra nous pousser derrière la grille, si loin de l'amitié. C'est une jonquille qui t'a laissé faner. Ami, te laisse pas avoir, laisse-toi y croire. Même si c'est dur, oublie le plafond, les murs. Ami, viens faire la fête, viens voir ma tête. Même si c'est tout, même si l'espoir c'est fou. C'est pas une fille qui pourra nous changer. T'es pas une bille, même si elle t'a roulé. C'est une jonquille qui t'a laissé paner. Attends, mais je vous vois partout. Laisse-moi le temps de te regarder avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. J'ai le cœur qui traîne dans la rue Fontaine et j'ai de l'eau. Tout s'arrête un jour, le soleil dans les yeux. On croit plus à l'amour et l'on se sent si vieux. Les tremblements au cœur, les frissons sur la peau. Juste après la douceur, on se tourne le dos. Tout s'arrête un jour, à garder les blessures. On appelle au secours, on se dit des mots durs. Je n'ai plus rien à te donner que ma tendresse et mon promesses, les baisers, tu sais, c'est terminé. Je n'ai plus rien à te donner que mon espoir et mes pensées. Les miroirs des mémoires déformées en nous se sont cassés. Je n'ai plus rien. Un jour, envahi par le vide, on attend le retour comme un enfant livide. les après-midi, les statues des jardins se meurent avec l'ennui dans le creux de nos reins. Je n'ai plus rien à te donner que ma tendresse et mon passé, les caresses, les promesses, les baisers. Tu sais, c'était. On s'en va pour toujours. On est déjà parti. Esteu escoltant Oh La La Music amb Rafael Corbí. Deixem en Marc Lavon a darrere i per la recta final del nostre espai Stromae, del 2010. En plastique, sont plein de papier, de tas de pics, de tas de feuilles, à moitié morte, à moitié bourgeon, à moitié forte. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge et un jour plume. D'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère. Bienvenue chez moi. D'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie, donc vulgaire. À la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure. À la fois basse, à la fois haute, à la fois douce et à la fois rock, à la fois jazz, à la fois rock ou électro. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Dans mes quatre murs, y'a des tas de choses. Peu de livres, mais des tas de prose. Trop de pensées pour si peu d'écrits. Et si peu de pays pour tellement de roses. Y'a des salles jaunes, des salles noires, des salles rouges et des salles blancs. Et il y a surtout que des gros bâtards devenus rouges sans. Bienvenue chez moi. Comme moi, comme toi, comme nous. Des hommes chiens devenus hommes loups. Des femmes hyènes voulant être belles. Et encore plus superbes à se rendre fou, à se rendre folle, à se rendre conne, à se vendre bonne, à faire toutes comme. Et ces imbéciles, et bien courent toujours, et c'est ça l'amour. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chamois, d'aquest artista que és en belga, és nascut a Brussel·les el 1985, cantautor d'origen belga i ruandès, cantautor dins els seus estils, música electrònica i música hip-hop, conegut com Stromae. Ell és en Paul Van Haver, que ens pronuncia doncs així, crec recordar, perquè tampoc és el meu, entre francès, neerlandès, jo ja em va perdre moltes vegades amb el flamenc. Es va fer popular sobretot amb aquesta cançó que escoltarem ara, aquests Alors on Dance, que va estar número 1, 5 setmanes a les llistes belgues el 2009, a Alemanya i a França i també a Itàlia. Va ser un gran èxit aquesta cançó. Bienvenue chez moi era la primera d'aquest àlbum X, que recordem, des del 2010. Alors on Dance. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Qui dit

Aquest va ser un senzill, només n'hem escoltat uns moments, perquè és una versió instrumental, setè i senzill final del seu àlbum Cheese del 2010, a càrrec d'aquest intèrpret en belga que avui estem repassant. És una cançó que només va triomfar en les llistes de música belga dins els gèneres del house i també de l'eurodance. Cançons que van sortir en diversos senzills, com per exemple aquest Jekyll's, que també escoltem. Ça y est, je viens d'y naître. Je sais pas où je vais ni où je suis, mais tous veulent y être. Quelque part, là-bas dans la vie, et là je veux y mettre le pas. Mais seule mon âme a l'accès, et je sais que je n'ai aucun de ces abcès plus léger que d'hab. Je m'envoie les fraudes, les sales, où collent mes quatre pattes. Chut, soudain ces voix me chantent. Qu'une âme sait que celle-ci est absente. Ose mort, marre de vivre, mais mes envies de vie se chiffrent, alors je suis ivre de pensées, de nuances, de chansons, de sens. Et je ne sais sur quel pied je danse. Donc je pars non-stop, je pars en retard comme toujours. C'est pourquoi je... qu'un temps afin de couper la fin de cet impan. Car il nous mange crunk ou en sauce, il mange les airs et laisse les sons. Oui, il me fait peur ce public, je n'ai pas peur de la mort mais de l'oubli. C'est bien ce que t'as fait, qu'on retienne toi, mais surtout pas ce que t'as fait. En plus je n'ai pas de bol, donc heureusement que je ne rêve pas de toucher le pactole. Car ce sera sans, et me connaissant, je brasserai des liasses avec ma malchance. Tu vois pourquoi j'aimerais être porc, lion ou homme et vivre sans remords. C'est plus fort que moi. Et comme je n'aime pas l'homme, je reste hors de moi. Toujours ailleurs, je fais du surplace. Mais mes pensées courent et se surpassent. Sur la lune, très peu veulent m'y voir. Et j'y retourne souvent pour que me rejoignent. Au lieu de passer le temps à me nourrir, je fouille, pense avant de mourir. Et je... casem en cap en gènere, ni subgènere, ni el que faci falta, sinó que recordem aquestes peces que ens acompanyen en diferents protagonistes. Amb el programa d'avui, Demir Gussos, Marc Lavoine i Stromae. I aquest Te Quiero per anar acabant. Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bijou et le tralala. Modou et Kuba, insulte, coup, etc, etc. Non, pas les miens mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras, et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'aime à mort mais pour la vie. On se dira oui, à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement, que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite, que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge, et puis leurs odeurs de pisse, ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Imagine-moi dans mes vieux jeans, mais cette fois-là sans domicile. Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterai dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Te quiero. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Te quiero. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Te quiero. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Te quiero. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Te quiero. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Acabem, després de Stromae, fem una cançó que ens han demanat a través de les xarxes socials i que avui escoltarem a través del nostre espai per posar-hi punt i final també amb aquest programa de Oh La La Music. Es tracta d'una cançó que jo crec que ja havíem escoltat fa tota una sèrie de programes, de la cantant Valide Georgey, nascuda el 10 de gener del 95 a França, però que es diu Maes, és un rapper francès. Blanche amb Vuva, aquesta cançó del 2020, és la que escoltem per tancar l'edició d'enguany d'Aula la Música. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Très loin d'autre parfait, mais t'inquiète pas, ça ira. Au ciel on va aller, je vais laisser mes biens en bas. Toutes mes années de galère où je me disais ça ira. Fais un pas de travers, une bécane tu t'en iras. Je fais ce qu'il le parquet, c'est soit bercé, soit du fer. Je suis dans le carré, loin de bâtard si j'ai mon fer. Je barre dans la ville, 700 chevaux Ferrari. Tu connais le tarif, fais pas le grossiste pour un kill. Je m'y crave à pas d'heure, je vends la moulin dans le bendo. 12h à 12h, je fais partir 3 kilos d'aïe. Je ne connais pas le bon, à part celui dans la jungle. Drapeau est noir et blanc, je reste devant. Je préfère être à l'attaque. Si je n'ai plus de limite, je m'arrête haut. Je prends mon linceau devant personne, je rejette tout. Je ne demande qu'à t'aimer, te montrer mon manquer le versage, le dé. J'ai les trop bonnes, voilà les CB. Je vais l'emmener à l'étranger. Peut-être sur place, je vais les changer. Faire le clé ou l'étrangler. Je suis quand les mais j'traga là, mon mot est ni beaucoup de cash, je la séduis. On tire dessus, j'entends des bruits, mais mon réserve, je la détruis. J'viens du neuf, de la quality. Tu connais déjà l'état d'esprit. Elle m'a demandé combien ça coûte, comme si j'avais regardé prix. Je sers la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au